Lazarine par André Theuriet. Le vieux cabriolet qui roulait avec un bruit de ferraille sur la route de Chauvigny à La Roche-Posay s'arrête à court à l'entrée d'un village et Saint-Martial, qui somnolait sous la capote, ouvrit brusquement les yeux en entendant le cocher sauter à terre et jurer en son patois poitevin. « Qu'a-t-il ? » demanda le voyageur. « J'ai perdu l'écrou d'une de mes roues. Non, mon Dieu ! Il va falloir coucher ici. » « Encore bien heureux si nous y trouvons un charron capable de réparer ma voiture. » Saint-Martial avait 54 ans sonnés. À cet âge où l'on aime ses aises, la perspective de coucher dans une hasardeuse auberge n'a rien de réjouissant. Aussi l'information du cocher le mit-elle de méchante humeur. Il espérait gagner avant la nuit la trappe de Fontgombault, où il avait projeté de faire une retraite, et ce malencontreux incident l'irrita. Saint-Martial était un désenchanté. Fin et délicat lettré, il avait comme tant d'autres, en sa jeunesse, rêvé la gloire littéraire et tout d'abord le théâtre l'avait tenté. Ses pièces n'ayant eu qu'un succès d'estime, il s'était, après la guerre de 1870, laissé glisser dans la politique. Pendant 20 ans, il avait siégé comme député au Palais Bourbon. Puis, dégoûté de la cuisine électorale, écœuré par le spectacle des tripotages, des compromissions et des transactions louches, il était sorti de la vie parlementaire en un complet désarroi intellectuel et moral. Il avait vidé jusqu'au fond le breuvage amer des renoncements et ne savait plus où se prendre. Pendant ces heures de dépression, où l'on semble avoir perdu le goût de vivre, les souvenirs d'une enfance pieuse lui étaient remontés au cerveau et il s'était raccroché aux idées religieuses comme à une planche de salut. C'est pourquoi, par ce soir d'octobre, il se dirigeait vers la trappe de Fontgombault, dont l'abbé était un de ses amis et où une maison hospitalière annexée à l'abbaye offrait à quelques désillusionnés semblables à lui la paix bienfaisante d'une retraite moitié laïque, moitié claustrale. Sa mauvaise humeur se dissipa néanmoins à l'aspect du paysage tout intime et riant qu'il avait devant les yeux. La route, avant de pénétrer dans le village, longeait un promontoire bordé de châtaigniers et surplombant au-dessus des rues déclives, ombreuses et gaillées de jardinets en terrasse. En face, sur une éminence rocheuse, se dressaient les ruines ébréchées, mais nobles encore, d'un château du XIIe siècle. Tout au fond de la vallée droite et boisée, une rivière sinueuse serpentait entre des files de peupliers jaunis. Le disque rougi du soleil s'enfonçait derrière les bois et la pourpre coloration des nuages se reflétait dans l'eau calme où un pêcheur, manœuvrant sa barque, allait et venait, occupé à relever des verveux. Sa main silhouette affairée se détachait en noir sur la vermeille coulée de la rivière. « Comment appelez-vous ce village ? » demanda Saint-Martial au cocher. « Angle. Et la rivière que vous voyez là, c'est l'Anglin. »« Angle. » Ces deux syllabes eurent, pour Saint-Martial, une résonance quasi familière. Où et par qui les avait-il déjà entendus prononcer ? Pour sûr, le nom ne lui était pas étranger. Son cerveau faisait effort pour se ressouvenir, et peu à peu, cette originale appellation s'associait, en son esprit, avec de confuses impressions de théâtre. Lentement, comme une apparition sortant de l'ombre, une image féminine surgissait dans sa mémoire, un joli profil de comédienne adossé au portant d'un décor. Eh oui, parbleu, Angle était le village où Lazarine possédait une maisonnette dont elle vantait à ses amis la solitude verdoyante et dont elle parlait comme d'une aimable retraite pour le temps où elle quitterait les planches. Cette Lazarine Perceval était, jadis, une des plus séduisantes actrices du gymnase. À l'époque où Saint-Martial croyait encore à son avenir dramatique, elle avait joué un rôle d'amoureuse dans sa meilleure pièce. Même, il avait eu pour elle une tendresse platonique qui demeurait un des plus parfumés souvenirs de sa jeunesse. Après la guerre, il s'était perdu de vue. Lazarine avait quitté Paris pour faire des tournées à l'étranger, et le bruit avait couru qu'ayant amassé une petite fortune, elle s'était décidée à réaliser son rêve d'existence campagnarde. Tandis qu'il traversait les rues en pente, entre d'antiques maisons à pignons sculptés que tapissaient des rosiers, Saint-Martial revoyait Lazarine Perceval dans la grâce souple et savoureuse de ses 22 ans, svelte, brune, le teint mat, avec des cheveux noirs frisottants, de beaux yeux couleur café, caressants et rêveurs, des lèvres rouges souriantes, et une expression de candeur un peu gobeuse qui faisait d'elle, au théâtre, une créature d'exception. Tout de même, songeait-il, ce serait curieux si je la retrouvais dans ce village où un accident me force à séjourner. Il faudra que je me renseigne tout à l'heure. Dès qu'il fut installé à l'auberge, il s'informa s'il existait à Angles une dame nommée Lazarine. La réponse de l'hôtesse désappointa le questionneur. Il n'y avait personne de ce nom-là dans le bourg. Mais il réfléchit. Tout à coup, quand venait habiter la campagne, Lazarine avait dû renoncer à son nom de théâtre et le remettre à la charge, ajoutant que la personne en question s'appelait aussi Madame Perceval. « Madame Perceval ?» s'écria l'hôtelier. « Ah, bonne gens, oui qu'on la connaît. Une si mignonne et excellente dame, et si avenante aux pauvres. Elle demeure pas loin de l'église, dans une gentille maison dont les jardins dévalent jusqu'à la rivière. » Saint Martial répara le désordre de sa toilette, et un gamin lui indiqua la maison de Lazarine. Un sourd battement de cœur l'oppressait. « Se souviendra-t-elle de moi et voudra-t-elle me recevoir » pensait-il, tout en sonnant la grille d'où l'on apercevait, au-delà d'une cour fleurie de chrysanthèmes, la façade revêtue de glycines grimpantes. Une vieille servante, coiffée du haut bonnet poitevin, accourut à son coup de sonnette et le pria d'entrer. Madame Perceval était chez elle. Il remit sa carte et la servante l'introduisit dans un petit salon. Rien qu'en contemplant cette pièce élégante et très en ordre, il reconnut le goût correct et raffiné de Lazarine, qui avait toujours été une exquise petite femme d'intérieur. Des roses d'automne s'épanouissaient dans les vases, des gravures rares et deux ou trois bons paysages étaient accrochés au mur tendu d'une étoffe de soie vieux rose. Un feu de bois se consumait quiétement dans la cheminée. Des écheveaux de laine débordaient d'une table à ouvrage et quelques livres étaient épars sur le bureau de palissandre. « Dans quel état vais-je la trouver ?» se disait-il. « Bien changé, sans doute, depuis 25 ans. » Il fut interrompu dans sa songerie par une exclamation joyeuse. « Comment, c'est vous ?» s'écriait derrière lui une sonore et sympathique voix de contralto. Il se retourna et vit en face de lui Lazarine qui lui tendait les mains. Eh bien non, elle n'avait guère changé. Ses cheveux, à la vérité, étaient blancs, avec un rien de poudre et de fine ride se plissait au coin de la bouche et des paupières. Mais elle avait conservé sa taille souple et svelte, la grâce de son sourire, la flamme claire de ses profonds yeux bruns. Il saisit, empressé, les deux mains tendues et les baisa. Puis, comme Lazarine s'émerveillait de sa visite, il lui expliqua l'accident heureux qu'il avait obligé de s'arrêter à Angles. « Quelle bonne surprise et que je suis contente » répliqua-t-elle en battant des mains. « Vous savez que vous dînez avec moi. On va prévenir les gens de l'auberge. » Il sortit un moment pour donner des instructions à la servante poitevine, puis rentra, la mine heureuse, fit asseoir son hôte en face d'elle, et les questions recommencèrent. « Où alliez-vous donc quand votre voiture s'est si aimablement disloquée à ma porte ?»« À Fongombo. » »« À la trappe. » »« Est-ce que vous avez l'intention de devenir ermite ?»« Ma foi, à peu près. » répondit-il. Il lui confia ses déboires parlementaires, son dégoût de la politique et du train de vie de ses contemporains. Il parlait avec une telle amertume qu'une affectueuse compassion attendrit les grands yeux de Lazarine. Pour le ramener des idées moins moroses, elle changea la conversation et parla du temps jadis. Ils évoquaient ensemble les années de jeunesse, les heures passées de compagnie au théâtre, le jour aux répétitions, le soir dans la loge de l'actrice. Heures lointaines qui, autrefois, n'avaient été exemptes ni de troubles, ni de tristesse et qui maintenant, contemplées à travers le prisme du souvenir, leur semblaient des heures fortunées. Elle lui rappela les amis morts ou disparus, les pièces à succès où elle avait créé des rôles. Puis, elle lui conta comment, lasse de son existence factice de comédienne, elle avait tout lâché un beau jour pour venir s'enterrer dans un coin vert du Poitou. « Vous savez, disait-elle, souriante, j'ai toujours été au fond une petite bourgeoise. » L'annonce du dîner les surprit au milieu de cette causerie rétrospective. Un succulent dîner, servi sur une table fleurie, dans la salle à manger aux boiseries peintes en blanc, avec le pétillement d'un joli feu de souche de hêtre, dans la haute cheminée. Enveloppé de bien-être et de tendres attentions, Saint Martial contemplait, tout ému, cet ami d'autrefois, qui rajeunissait aux lumières, car les cheveux blancs poudreux avivaient ses traits expressifs et lui mettaient une aube de printemps dans les yeux. Il se sentait réconforté, rasséréné et reverdi. L'appétit lui revenait. Il faisait honneur au menu et au dessert. Il dégusta un vin vieux de Vouvray mousseux dont Lazarine s'était elle-même versé un doigt. « Je me suis souvenu, dit-elle, que vous aimiez les vins de Touraine. Vous en demandiez toujours lorsque nous soupions au cabaret avec les camarades pendant les répétitions de votre pièce. à votre santé. Modestie à part, mon vouvray est bon, et vous n'en boirez pas de semblable à la trappe. » La trappe. Saint-Martial n'y pensait plus guère. Il avait oublié ses projets de retraite en regardant les yeux de Lazarine. Ses limpides prunelles couleur café, si suavement caressantes, ressuscitaient sa jeunesse et lui versaient un filtre qu'il grisait à l'égal des vins de Touraine. « Lazarine, murmura-t-il tout d'un coup, d'une voix légèrement altérée, savez-vous que dans le temps j'ai été très amoureux de vous ? Je n'ai pas osé vous le dire autrefois, mais tant pis. Ce soir je me risque à vous l'avouer. » Mon cher ami, confidence pour confidence, je m'en doutais un peu alors, et je m'attendais à chaque instant à ce que vous me le disiez, mais vous restiez muet comme un poisson. Je craignais d'être blackboulé. Un soir, tandis que vous attendiez, accoudé contre un portant, votre entrée en scène, vos yeux avaient dans l'ombre un si brûlant éclat que j'ai bien failli me trahir. Mais à ce moment-là, on prétendait que vous étiez aimé de Larieux, et ma déclaration est restée au fond de mon gosier. Grosse bête! Larieux m'assommait. Et si vous aviez seulement dit un mot, enfin, c'est de l'histoire ancienne, il n'y a plus à en parler. Parlons-en, au contraire, s'écria-t-il en se levant. Je vous aime toujours, vous êtes encore l'ensorcelante Lazarine de jadis. En même temps, il lui prenait les mains et les baisait avec délice. Lazarine elle-même, attendrie par l'explosion de cet amour renaissant, en goûta silencieusement, pendant une seconde, la captivante surprise. Mais elle se ressaisit vite et, s'échappant, elle eut un sonore éclat de rire. « Voyons, mon ami, vous ne voudriez pas. Soyez sage, songez que je suis une vieille femme. Vous » protesta-t-il, très enflammé. « Vous êtes adorable. » « Non, je suis une bonne bourgeoise. Je pense que lorsqu'on frise la cinquantaine, ces faiblesses-là ne sont plus permises. À nos âges, il est malsain de se mettre une désillusion de plus sur le cœur. Sottise pour sottise, il vaut mieux encore que vous alliez à la trappe. » Elle riait à pleines dents. Quand il vit qu'elle tournait la chose en plaisanterie, il poussa un soupir et se rassit, honteux de sa propre griserie. Ils rentrèrent au salon. La conversation maintenant languissait, malgré les efforts de Lazarine pour la ranimer. Saint-Martial était retombé dans ses humeurs noires. À 10 heures, il prit congé, et en le reconduisant dans l'antichambre, son hôtesse murmura. « Merci pour votre chère visite. Je ne sais quand nous nous reverrons. Embrassons-nous donc comme de bons vieux amis. » Ils s'embrassèrent et se séparèrent mélancoliquement. Le lendemain, Saint-Martial roulait sur la route de Fongombeau. La matinée ensoleillée était imprégnée d'une pénétrante odeur d'automne. Les bois étaient colorés de rouge et de violet, et dans l'air parsemé de fils de la Vierge, des cloches lointaines sonnaient pour la fête de la Toussaint. Ce délicieux adieu automnal faisait repenser Saint-Martial à l'adieu de Lazarine, et il soupirait. Après tout, se disait-il, elle avait raison. Ces rêves-là ne sont plus de notre âge, et les roses d'arrière-saison laissent, après elles, un parfum amer. Il s'en alla tristement vers l'abbaye, et quand la voiture s'arrêta près de l'hospitalière maison réservée aux étrangers, il lut, d'un regard résigné, l'inscription latine gravée au-dessus du porche, « Cella continuata dulcescit ». La cellule est douce, si l'on continue à y demeurer. Ainsi s'achève Lazarine d'André Theuriet.